À venir dans cette édition riche et crémeuse de La Connexion. Bill Gates n'est plus l'homme le plus riche du monde. Le iPod pourrait-il rivaliser avec la DS et la PSP? Déclaration de revenus, la solution est en ligne. Une critique de Resident Evil 4 sur la Nintendo Wii. Et on parle d'une vérité qui dérange. Vous savez plus tout de suite, c'est le Rougeur. Bonjour et bienvenue à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle Mathieu Plante. Dans cette émission-là, ça va être 120 presque minutes de plaisir, d'extase, comme certains diraient. On va parler des choses qui vous intéressent, des choses qui vous importent le plus. Après une pièce musicale de Gatineau, on va parler avec Alexandre Thibaudeau. De quoi vas-tu nous parler plus tard? Resident Evil 4 sur la Nintendo Wii et la grande première. Aujourd'hui, chers auditeurs, en primeur, vous aurez la chance de voir ou d'entendre plutôt ma chronique documentaire avec une vérité qui dérange. Hey, c'est bon, j'ai hâte d'entendre ça. Voici Gatineau et applaudis. À La Connexion, à CFOU 89.1 FM, me voilà excité. Mais quand je me penche sur elle, la feuille reste blanche. Votre entrage brille à mon boulevard étage. Pour que le public, ben que je monte. Saigner pour le poème, pour le thème. Beau est-il intime, vite autant le fond de la forme comme il faut. Ça sent que mes sonnets sonnent. Finalement faux, je voudrais embrasser. Parler de syndical, c'est toute la longueur de mes lignes horizontales. Mais la seule pause qui se pose pour poser aussi brutal. Je laisse ça sortir, je le ravale. Je retiens-tu le flow, je joue sérieux ou carnaval. J'ai ce libre cours mon qui dans mon âme des balles. La lit la littérature qu'elle déborde de bord en bord jusqu'à bordure. La marmite des mots illicites, cela même qu'on essaie de se décider en stacite. Des va-violents d'envergure, au fur et à mesure j'essuie la suite sur ma figure. Enfin l'ampe de jus qui s'agite, que par ma flamme l'endemne et que la flamme elle ressuscite. Me voir dans le miroir, dans l'encre noire, dans le bas des yeux, déjà présent dans l'auditoire. Écris mon histoire, amène mon écritoire, avec mon répertoire, et la valade des vieux grimoires. Écris au singulier, mec, pas contre chaque parcelle. C'est pour le public une partie de l'universel. Leur expérience respective à mon échelle. Qu'est-ce que ça se trouve, c'est beau, MC Baruté, oh. J'attends le poème signifiant. Certifié à mon talent, tout en me sanctifiant. J'aimerais mon âme à mes fils tout en défiant. T'as ma demande de faire écrire des textes édifiants. Mais l'écriture donne pour moi une source d'angoisse. J'ai tendu des textes en terre que je laisse en ardoise. Comme des poils disparaissent des feuilles que je croise. Je m'en pardonne pour fixer forêt pour mon éboise. Je l'excite, point d'assister, mes vestis. Mes textes excités, l'université. Puis qu'on en comprenne enfin toute la densité. Le pourquoi je les chante avec tant d'intensité. Gatineau, une nouvelle entrée du palmarès francophone de C'est Fou. Rap maudit, les palmarès C'est Fou, c'est les vendredis soirs à 17h avec moi-même. Maintenant, ben, c'est plus moi-même, c'est Alex Thibaudeau et la critique Nintendo. Oui. Bonjour Alexandre Thibaudeau. Bonjour Mathieu. Heureux de t'avoir avec moi comme pas mal toujours. Toujours, à part la semaine dernière, ben malheureusement, oui. J'ai dû m'absenter, mais ce n'est que partie remise. Et justement, on compense avec deux chroniques de ta part deux aujourd'hui. Deux chroniques, un doublé, effectivement. Commençons avec ma critique maintenant légendaire sur la Nintendo Wii, bien sûr. Resident Evil 4 cette semaine, un jeu, selon moi, un des jeux phares aussi, disponible sur la Wii. On suit l'histoire de Leon Kennedy, qu'on a pu connaître, si je ne me trompe pas, dans Resident Evil 2. Et cette fois-ci, l'aventure est internationale. Ooh. Donc, au lieu que ça se passe dans les confins de Raccoon City, on se transporte en Espagne, dans un petit village très, très rural. Mais pourquoi aller en Espagne? Pourquoi? Pourquoi, Alex? Eh bien, parce que le président a mandaté Leon Kennedy de retrouver sa fille kidnappée et dont le groupe de kidnappeurs serait vraisemblablement en Espagne. Dont Bowser. Non. Pas, cette fois-ci, non. Non, étrangement, c'est pas Mario? Non, étrangement, non. Oh. C'est bizarre parce que le monde pense que tous les titres sur la Wii sont des Mario. Mais détrompez-vous! Non, c'est pas vrai. Ce n'est qu'un seul titre sur deux. Donc, tout ça pour dire que on va se transporter dans un milieu très différent des autres. Donc, on quitte la ville, on quitte, je dirais, les bâtiments, la destruction urbaine, donc les voitures en feu, pour se retrouver dans un village, dans des sous-bois, assez mythique et assez épeurant, merci. Lugubre. Très, très lugubre, effectivement. Donc, l'aventure, ça commence là. On n'a pas beaucoup d'informations, mais au fur et à mesure qu'on va avancer dans le jeu, on va découvrir des secrets les plus morbides les uns que les autres. Et on va affronter, bien sûr, comme tout Resident Evil qui se respecte, des bêtes sauvages plus morbides et plus... dégueulasses les unes que les autres. Donc, ce que j'ai aimé vraiment du jeu, c'est comme tout Resident Evil, l'atmosphère, l'ambiance est fantastique. Ça donne vraiment le ton pour un jeu de ce style-là, un jeu action-horreur à la troisième personne. Donc, c'est vraiment... Si tu joues le soir chez vous, à 1h du matin... Tu vas te demander, suis-je seul, mon Dieu, suis-je seul? Faut avoir les nerfs solides pour jouer à Resident Evil. Quand même, parce que les effets de surprise sont là. Je dirais, on se sent dans un film d'horreur, on se sent vraiment intégré à l'action. Et c'est la force de la série Resident Evil que le 4, donc, fait justice à cette série-là. Également, ce que j'aime, et ça tu le sais, j'aime bien quand on se sert des manettes, donc différentes de la Wii. Oui, de façon optimale et pas juste comme gauche-droite. Exactement. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'avec cette manette-là, je trouve que comment la configuration est faite, c'est vraiment, vraiment très, très bien dans le jeu. On peut viser avec une manette, se déplacer avec l'autre. Donc, on se sent vraiment en contrôle du personnage. On peut lui faire plusieurs manœuvres intéressantes avec les armes à feu. Donc, on peut bien viser, se déplacer et la gâchette est en dessous du doigt. Donc, vraiment... Comme un fusil. Exactement. Donc, les boutons sont bien disposés et on se sert de la commande assez souvent. Également, à quelques endroits, il y a des petits mini-games. Si on veut des petites scènes d'action qu'on doit se servir de la manette pour courir, pour éviter, par exemple. Et encore une fois, donc, ça rend l'immersion de la manette beaucoup plus efficace, à mon avis, dans le jeu. Ce que j'ai pas aimé, honnêtement... Je pense pas qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas aimées. Bien sûr, le jeu est extrêmement difficile à des endroits et on peut rester pris plusieurs heures au même endroit sans savoir quoi faire. Okay. Et si vous êtes un gamer puriste qui se refuse toute aide extérieure, ce n'est pas mon cas, bien sûr, malheureusement. Donc, si vous êtes un gamer pur et dur qui refuse toute aide extérieure, ça peut être un jeu qui va être frustrant à l'occasion. Est-ce que t'es contre le fait de rééditer des jeux? Parce que ça, c'est un jeu de GameCube qui est adapté pour la Wii. Est-ce que t'aimes le principe? Est-ce que tu espères qu'ils vont faire d'autres Resident Evil? Moi, j'espère que oui, parce que c'est une franchise qui a prouvé au travers des années que c'est des jeux de qualité, des jeux qui sont appréciés et qui innovent quand même de jeu en jeu. Moi, j'ai pas de problème avec ça, avec la réédition personnellement. C'est sûr que j'aimerais mieux avoir des originaux, mais en même temps, si on peut se mettre sous la dent un jeu réédité pour une autre console... De toute façon, ils visent un nouveau public. Exactement. Avec la version Wii. Il y a les gens qui ont déjà la version GameCube vont pas nécessairement vouloir l'acheter, malgré que les fans pourraient vouloir le faire aussi. Et de toute façon, avec la Wii, c'est possible de brancher ton GameCube sur ta Wii et jouer avec les jeux de GameCube sur la console Nintendo Wii. N'est-ce pas merveilleux? C'est fantastique, c'est comme ça Nintendo. Donc, moi Mathieu, ma cote pour ce jeu-là... Sur des combos, des quoi? Sur des phases de zombies pourris. J'aime ça. Donc, je donne 9 faces sur 10 de zombies pourris pour Resident Evil 4. J'ai appris. Ben, je suis un fan. Je suis un petit peu biaisé. Je suis un fan de la série. Comme Star Trek. Exactement. Mais Star Trek, malheureusement, j'ai critiqué amèrement le jeu. Oui. Mais celle-là, j'ai vraiment aimé. Je trouve que c'est un des 4-5 meilleurs jeux disponibles actuellement sur la Wii. Moi qui n'ai pas joué dans le fond à celui sur le GameCube. Donc, j'ai plus à ce moment-là. Je me suis pas tanné de jouer. Oui. Donc, c'est mieux comme ça, je pense. Exactement. Donc, je donne un 9 sur 10. Et est-ce que c'est. Ben, la question se demande à peine, mais est-ce que c'est alloué, acheté ou passé? Moi, je pense que c'est un achat. Bon, je pense que c'est un achat. Voilà. Donc, le jeu s'appelle Resident Evil 4 Wii Edition. C'est édité par Capcom Entertainment, développé par Capcom Entertainment dans le genre action à la troisième personne, aventure et horreur et survie. Et c'est voilà. Pour un joueur, c'est côté M, mature, donc 17 ans et plus. Et c'est sorti le 19 juin 2007 sur la Nintendo Wii. Alex Thibodeau, on se retrouve dans quelques minutes. À peine. Pour parler d'une vérité qui dérange. Et voilà. De Al Gore. Mais là, on s'en va en musique, on s'en va entendre une pièce qui s'appelle Dia del Seso, de la formation El Motor. À la connexion. Et restez là plus tard, on va parler d'informatique et de jeux vidéo. Votre fil de nouvelles, le bloc F5, s'en vient dans quelques minutes. El Motor est la pièce DA del Cesso de leur album éponyme. C'est sur le palmarès francophone de ces fous cette semaine. Maintenant, c'est l'heure d'une nouvelle chronique. Une critique d'un documentaire. Je trouve ça bien. Mais ça. Quand même. Mais vu que c'est une première, on peut quand même. Vu que quoi? Vu que c'est une première, on peut quand même pardonner. C'est ça, on pardonne le délai dans la musique. Donc, tu nous parles d'une vérité qui dérange, An Inconvenient Truth avec oui, Al Gore. Exactement. Donc, c'est un film, c'est un documentaire. Pourquoi d'abord parler du documentaire? Parce que je pense que c'est un genre cinématographique qui passe inaperçu pour la plupart. Je dirais, la plupart des gens vont connaître Michael Moore et ce qu'il a fait. Mais c'est quand même peu de gens qui sont versés dans le genre. Et je me donne comme mission de parler de plusieurs de ces films-là qui sont, ma foi, savoureux. Et surtout en ce temps-ci, donc avec plusieurs conflits mondiaux et plusieurs films qui sont sortis sur ces conflits-là, je pense qu'il y a quelque chose à dire, quelque chose à présenter. Tout à fait. Donc, ça va être une série de chroniques comme ça, hebdomadaire, sur un documentaire. Et je commence avec Une vérité qui dérange, version française de An Inconvenient Truth, réalisé par Davis Guggenheim. Et comme tu l'as si bien dit, nous montre l'ancien candidat à la présidence et l'ancien vice-président américain Al Gore. C'est un film qui s'attaque au réchauffement planétaire, donc à qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ce fléau qui inévitablement va un jour nous tomber dans la face. Parce qu'on continue à polluer et on ne pollue pas moins, ça c'est sûr. Et Al Gore se fait un malin plaisir de nous exposer de quelle façon nos gestes quotidiens peuvent avoir un impact négatif ou positif sur l'environnement, en passant beaucoup de temps, bien sûr, sur la calotte glaciaire, donc qui fond de plus en plus. Et tout le monde sait que si jamais les calottes glaciaires fondent, ben, le continent nord-américain serait presque inondé, à part, bien sûr, pour les terres du milieu, là. Et l'inondation de New York, Los Angeles, ne serait tardée. Ça, c'est peur. Ça fait très peur, d'où le titre « Une vérité qui dérange » parce que on veut pas en parler. On veut pas dire que ça existe. Les gens l'acceptent pas, cette exactement. Vérité-là. C'est hors, c'est fou. C'est loin, là. Oui, les gens du futur s'en occuperont, là. C'est pas notre problème. Exactement. Ouais. Et c'est justement le message qu'Al Gore veut passer. C'est de dire, c'est pas aux gens du futur à s'en occuper, c'est aux gens présents. C'est nous. C'est à nous de faire un changement. Les gens du passé ont déjà fait assez de problèmes pour les gens du présent qu'on ne doit pas en faire pour les gens du futur. Exactement. D'ailleurs, ce film a remporté l'Oscar en 2007 du meilleur documentaire et je crois que c'est mérité parce que bien que ça présente un sujet qui n'est peut-être pas aussi parlé qu'on le voudrait, la façon dont le sujet est amené s'adresse vraiment à tout le monde. Donc, même si on n'a pas vraiment de connaissances en la matière, même si on n'a pas vraiment d'intérêt en tant que tel, je pense que c'est un film qui doit être vu parce qu'Al Gore est un excellent orateur. Oui. Il est capable de présenter le sujet d'une façon, de bien le vulgariser. C'est clair, c'est convaincant. Exactement. Exactement. Et en plus, et c'est peut-être là mon petit bémol, je dirais, c'est qu'on nous présente Al Gore comme étant un homme de tous les jours et avec ses problèmes. Et ça, je trouve que dans le documentaire, ça n'a pas vraiment sa place. On parle un peu trop de la personne. Exactement. Al Gore. Al Gore nous parle beaucoup de lui-même. On voit vraiment ses luttes. C'est bien, mais ça devient lassant. Et je pense qu'on s'éloigne du sujet rendu là. Ce qui est intéressant, c'est quand on voit Al Gore devant une foule qui présente ses PowerPoints, qui présente ses diapositives, qui nous montre clairement les impacts, qui nous montre qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, je trouve que c'est bien vulgarisé et ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde. Et c'est vraiment fantastique. Déjà là, on a une bonne base en écoutant ce film-là sur les effets néfastes de la pollution sur l'environnement. Donc, le petit bémol, comme j'ai dit, un petit peu trop personnel parfois, c'est ce qui m'a titillé un petit peu. Mais je maintiens que c'est un excellent film, que tout le monde devrait se faire un devoir d'au moins louer. Et en plus, le film, la pochette du film est fabriquée de papier recyclé. Oui. Donc, c'est volontaire. Donc, l'achat est intéressant aussi. Moi, personnellement, je l'ai acheté. Je le regrette pas. C'est pas un film qui va être dispendieux dans les magasins de disques. On peut l'avoir généralement pour environ 20$. Donc, pour un film DVD, c'est pas vraiment dispendieux. Un excellent film à voir. Si je peux demander quelques questions sur le DVD. Absolument. En tant que tel, est-ce qu'il y a des bonus, est-ce qu'il y a des raisons de plus que le film de l'acheter? Quelques extras, sans plus. Je dirais que c'est pas un film que tu vas acheter nécessairement pour les extras. Si je me trompe pas, il y a une piste de commentaires. Ah, je m'attendais pas à ça dans le documentaire, parce que ça parle tout le temps dans le documentaire, donc non, où mettre les voix. Si je me trompe pas, c'est du réalisateur, une piste. Je l'ai écouté une fois, je pourrais pas dire à 100%, et ça c'est ma faute à moi, mais c'est pas un documentaire qui est bourré d'extra. Les langues? Pardon, anglais, les langues? Français, anglais, sous-titres. Merveilleux. Voilà. Tout ce qu'il nous faut au Québec. Fantastique. Et voilà. Donc, le film s'appelle Une vérité qui dérange ou An Inconvenient Truth. C'est dans le genre documentaire réalisé par Davis Guggenheim. C'est sorti sur DVD le 21 novembre 2006 et en cinéma le 24 mai 2006. Ça dure exactement 100 minutes. Mm-hmm. C'est un film couleur et c'est d'origine américaine. La note selon Metacritic.com qui rassemble les meilleures critiques du monde, ça donne 75, donc généralement favorable. Toi, t'avais dit? Moi, j'allais dire un 8 sur 10. 8.5 sur 10. On est proche. Le public donne 8.7 sur 10, basé sur 173 votes de la communauté. Donc, c'est un film à conseiller. Oui, absolument. Un excellent film, un bon documentaire si on veut commencer à connaître le genre. Merci beaucoup, Alexandre. C'est un plaisir. En tournant musique, on s'en va entendre une pièce de Louis XIV. Voici Guild by Association à la connexion 89.fm. Qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans cette deuxième demi-heure, on va faire le fil jeux vidéo. On va parler de toutes les nouvelles qui sont passées dans le monde des jeux vidéo. Mais avant, on va entendre une pièce de Petit Big. Tout est automatisé. À la connexion 89.1 FM. Restez là. Le plaisir est une magie concrète. Mon univers n'est que géométrie. Mais tout ce conte, ce classe écrit, c'est tout l'écriture. Où est la spontanéité? Tout est automatisé. Tout s'est automatisé. Tout est automatisé. Petit Big avec Tout est automatisé à la connexion à chez Fou 89 FM, votre radio campus à Trois-Rivières. Maintenant, c'est le fil jeu vidéo. Ah, c'est le clavier de l'ordi qui marche pas, ça part jamais les musiques. Donc, fil jeu vidéo, les nouvelles qui ont marqué le monde vidéoludique la semaine dernière. Commençons par la Game Developers... Game Developers Convention. Oui, voilà. Débuté à San Jose, aux États-Unis en 87 sous le nom de Computer Game Developers Conference avec quelques 27 participants. La GDC, qui est son nouveau nom depuis 99, a depuis réalisé un sacré parcours, dit GameCult.com. Les chiffres parlent d'eux-mêmes avec en 2008 338 exposants, plus de 400 conférences ou encore un nombre de visiteurs s'élevant à 18 000 contre 16 000 en 2007. Preuve que l'événement prend chaque année un peu plus d'ampleur. Il compte d'ailleurs aujourd'hui pas moins de 3 autres salons satellites, un à Austin au Texas, un autre à Shanghai en Chine et enfin un dernier à Paris. Chacun se focalise sur une thématique particulière liée à la région en question. Pour la GDC 2008 à San Francisco, l'aspect communautaire dans les jeux vidéo semblait primer, avec nombre de conférences allant dans ce sens, mais pas seulement, loin de là. On retiendra notamment les apparitions de Rob Pardo, le game designer de World of Warcraft, au cours de son exposé sur l'approche de Blizzard concernant le multijoueur et l'importance accordée à la psychologie du joueur. Les questions du free-to-play contre l'abonnement mensuel ou encore de la vente d'objets virtuels contre de l'argent réel y étaient bien évidemment abordées. Pour rester dans les conférences, on n'oubliera pas celle de Ken Levine de 2K Boston au sujet de la narration dans le jeu vidéo et notamment dans BioShock. Les surprises, surtout techniques, survenues lors du lancement de Hellgate London. Il y a aussi eu l'élaboration de prototypes et de son environnement ouvert, la genèse d'une nouvelle interface entre le joueur et la console avec Wii Fit, etc. Technologie, game design, audio, marketing, relations avec la presse, tous les aspects du jeu vidéo sont ainsi traités au cours de ces conférences d'une heure environ et souvent animées par des pointures du milieu. Traditionnellement, la Game Developers Conference accueille... Conference. Est-ce que j'ai dit convention tantôt? Peut-être. Outre ces multiples conférences, plusieurs keynotes particulièrement attendues. Cette année, c'était au tour de Microsoft de s'adonner à cet exercice. Pour rester dans la thématique de l'événement, la firme de Redmond avait donc dépêché sur place John Shepard, le Corporate Vice President Live Software and Services, pour une intervention touchant au Xbox Live et à sa communauté. Avec un défilé de développeurs à la clé, dont Tim Sweeney et Cliff Blazinski de Epic, et puis Toponomu Itagaki et Peter Molyneux, tous présentant leurs titres à venir, dont Ninja Gaiden 2, Fable 2 et Gears of War 2, qui ont été annoncés pour l'occasion. Plus abstrait, l'autre keynote de cette GDC était menée par Ray Kurzweil, l'inventeur émérite qui, une bonne heure durant, a souhaité évoquer les 20 prochaines années du jeu vidéo d'un point de vue technologique. Il fut bien sûr question d'écran bientôt disparu et de puissance des ordinateurs décuplés, synonyme de nouvelles applications possibles ou d'améliorations significatives dans de nombreux domaines comme l'intelligence artificielle ou encore la reconnaissance vocale. Étalée sur une bonne partie du Moscone Center de San Francisco qui comprend 3 grands bâtiments. La GDC consiste également en un espace de recrutement relativement important où développeurs et éditeurs y reçoivent de potentiels futurs collègues. Entre les courtes démos de God of War, Chains of Olympus, Sacred 2, Fallen Angel ou Gran Turismo 5 Prologue et parfois purement technologiques comme pour Bionic Commando et Far Cry 2, on pouvait y apercevoir diverses solutions, dont pour la motion capture ou la modélisation en 3D, par exemple. Côté moteur graphique, Crytek vantait largement les mérites de son fameux CryEngine. On en parlait un petit peu il y a quelques semaines de ça. Il faut dire que nombre de produits ne se dévoilaient qu'aux yeux des développeurs triés sur le volet. Il y a aussi Guitar Rising. Il s'agissait d'un Guitar Hero style auquel on joue avec une vraie guitare électrique à brancher sur son PC via un petit module en USB qu'on a présenté à la GDC. La partition s'affiche à l'écran à l'horizontale façon tablature et le tout compte 5 niveaux de difficulté allant de novice à expert. La GDC compte aussi divers événements annexes qui passent notamment par des présentations de jeux en dehors de ses frontières. Ainsi, Microsoft campait à quelques blocs de là dans un grand hôtel afin de dévoiler aux journalistes le jeu Too Human ou encore Fable 2. Même chose pour Disney et Pure et bien d'autres encore, ce qui confirme l'intérêt grandissant des éditeurs pour la GDC à laquelle on vient davantage y présenter ses titres à la presse déjà sur place. Un engouement porté par le déclin de l'E3, la GDC reprenant notamment le flambeau de tout le pan business, autrefois réservé à l'événement de Los Angeles, l'E3. Pour être le plus complet possible à propos de cette Game Developers Conference, on ne peut pas non plus passer à côté de son Independent Game Festival, qui regroupait cette année pour la 10e fois les meilleurs jeux indépendants. mini-événement. À l'intérieur de l'événement, la Game Connection permettait également de regrouper sous une même bannière des développeurs et de profiter ainsi d'un espace privilégié pour rencontrer journalistes et acteurs du milieu. Enfin, comme chaque année maintenant depuis 2001, la GDC accueille la cérémonie de remise des prix de la Game Developers Choice Awards, qui récompense les meilleurs titres parus l'année précédente. Je vous en ai parlé un petit peu il y a quelques semaines, mais vous pouvez aller voir la liste et lire l'article complet de GameCult.com sur le sujet de la Game Developers Conference sur le www.unechance.com. C'est le site de l'émission, le www.unechance.com. Maintenant, parlons de nouvelles un petit peu plus récentes. Apple a présenté en avant-première la version 2.0 de la plateforme logicielle du iPhone. Et ça, on parle du 6 mars, donc jeudi dernier. La sortie est prévue pour le mois de juin pour cette version 2.0. Bien que les principales nouveautés intéresseront les entreprises et les développeurs, les joueurs pourraient bien se mettre sous la dent de vrais jeux et non des jeux limités comme on a l'habitude d'en voir sur les autres portables. Après avoir annoncé la disponibilité immédiate d'une version bêta du logiciel destinée à un certain nombre de développeurs et d'entreprises clientes, qui inclut à la fois le kit de développement logiciel pour le iPhone ainsi que de nouvelles fonctionnalités d'entreprise telles que le support de Microsoft Exchange Active Sync et la prise en charge du système VPN IPsec de Cisco, Apple a invité deux développeurs de jeux vidéo à venir présenter ce qu'ils ont pu concevoir pour l'iPhone en dedans de deux semaines. Sega a présenté une version de Super Monkey Ball utilisant les accéléromètres du iPhone pour contrôler le petit singe, alors que Maxis a présenté une version de Spore utilisant aussi bien les accéléromètres que son écran multitouch pour contrôler et personnaliser une créature. Vous pouvez voir deux vidéos sur le www.unechance.com. L'article s'appelle « Le iPod pourrait-il rivaliser avec la DS et la PSP? » L'article de branchezvous.com dit que ça pourrait être très intéressant. Les développeurs pourront distribuer leurs jeux via la boutique en ligne App Store que Apple devrait ouvrir prochainement. Toujours au sujet du iPhone et toujours au sujet des jeux sur l'iPhone, depuis son lancement le 6 mars dernier, le kit de développement de logiciel pour l'iPhone et l'iPod Touch aurait été téléchargé plus de 100 000 fois. En mettant ainsi le kit de développement de logiciel entre les mains des créateurs de jeux, Apple crée, selon le San Francisco Chronicle, un appareil de jeu qui pourrait faire concurrence à la DS ou à la PSP de Sony. Selon l'analyste chez Gartner Research, Van Baker, les jeux destinés au iPhone vont bouleverser l'offre actuelle du jeu pour mobile. Avec une capacité de stockage de 8 Go, l'iPhone est beaucoup moins restreignant pour les développeurs de jeux pour appareils mobiles. Beaucoup de jeux pour mobile doivent être de petite taille pour correspondre à la capacité de stockage de la plupart des téléphones mobiles. 70% des revenus d'ailleurs engrangés par la vente de jeux reviendront à ses créateurs. Electronic Arts, Namco Networks, PopCap, Sega et THQ Wireless ont déjà annoncé la sortie prochaine de jeux pour l'iPhone de Apple. On passe à Nintendo maintenant. Nintendo qui a finalement donné tous les détails à propos du lancement japonais du service WiiWare. D'abord, les Japonais vont pouvoir l'utiliser à partir du 25 mars prochain. Puis, la compagnie a dévoilé les jeux qui seront disponibles au jour 1, de même que le prix de vente de chacun. Les titres vedettes sont Final Fantasy Crystal Chronicles My Life as a King, Dr. Mario, Pokémon Ranch et Star Soldier R. Juste pour vous rappeler un petit peu qu'est-ce que c'est WiiWare, c'est une plateforme sur le magasin de la Nintendo Wii qui va permettre aux éditeurs de jeux de vendre leurs jeux seulement sur cette plateforme-là et non pas dans les magasins. Donc, ils vont pouvoir, en tout cas, vendre leurs jeux directement au public sans avoir à faire déplacer les gens et bon, donc faire peut-être un petit peu plus, je sais pas, d'argent. Ils n'auront pas à payer pour la manufacture d'un jeu physique. On passe à Microsoft qui avait annoncé, Microsoft et Sony qui parlent du Blu-ray pour la Xbox 360 dans cet article-là de Clubic.com. Voilà, ça s'en vient. Et oui, Microsoft qui avait annoncé auparavant ne pas écarter la possibilité de proposer du Blu-ray sur la Xbox 360 si cela s'avère nécessaire, serait en passe de franchir le pas. En effet, un article du Financial Times relève au travers des dires d'un porte-parole de Sony que les deux firmes seraient en pourparlers sur le sujet. Les discussions s'articuleraient principalement autour d'une question principale, celle de devoir intégrer un lecteur Blu-ray à la console Xbox 360 ou de le proposer dans une forme externe, un peu comme pour le lecteur HD-DVD. Si tout va bien, une annonce à ce propos aura lieu dans les semaines à venir. En attendant, le lecteur HD-DVD de la Xbox 360 est complètement bradé, comme dit l'article Outre-Atlantique, parce que c'est français l'article, puisqu'on peut dénicher un lecteur HD-DVD pour 30 US environ. Maintenant, on passe de Microsoft à Ubisoft, qui a confirmé qu'elle sera présente dans 4 centres commerciaux du Canada d'ici la fin du mois de mars. La compagnie va profiter de l'occasion pour y démontrer les jeux lancés au cours des derniers mois. Les visiteurs pourront évidemment les essayer tout en discutant avec des représentants. Donc, voici le calendrier de la tournée Ubisoft 2008, ainsi que la liste des jeux qui seront en démonstration. On parle des... le premier s'est passé, c'était les 8 et 9 mars au Carrefour Laval de Laval. Le prochain, c'est les 14 et 15 mars au Eaton Center de Toronto, en Ontario. Les 21 et 22 mars au Richmond Center Center de Richmond en Colombie-Britannique et les 29 et 30 mars au South Center Mall de Calgary en Alberta. Les titres présentés sur la Wii. On parle de Cranium Kabuki, de Nitro Bike, No More Heroes et Rayman Raving Rabbids 2. Sur Xbox 360, Assassin's Creed, Lost Via Domus, Naruto Rise of a Ninja, Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2. Ça, c'est seulement à Vancouver et Calgary, par contre. Sur la PS3, Lost Via Domus et Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2. Encore une fois, seulement à Vancouver et Calgary. Et sur Nintendo DS, finalement, Assassin's Creed Altair's Chronicles, Imagine Figure Skater, Imagine Fashion Designer et Real Soccer. Ça, c'est sur Nintendo DS. Le magazine Game Developer publie dans son édition du mois de mars le top 50 des meilleurs studios de jeux vidéo au monde. La méthodologie est quand même sérieuse. On a d'abord considéré le nombre de titres lancés dans la dernière année, leurs ventes et leurs scores moyens, avant d'ajouter les résultats d'un sondage anonyme sur la réputation de 5 de ces studios. 5 studios canadiens se classent dans le top 50, dont 3 dans le top 12. EA Canada de Vancouver en 4e place, BioWare de Edmonton en 10e place et Ubisoft Montréal en 12e. Relic de Vancouver, comme diraient les gens de Degrassi Nouvelle Génération, Vancouver, vient au 32e rang et Binox de Québec vient en 33e. Si vous voulez retrouver le top 50, allez voir l'article sur lunechance.com. Il y a le top 50 et aussi le top 20 sur le site de Gamma Sutra. Vous pouvez aussi vous procurer le rapport de recherche détaillé pour 3 000 $. C'est vrai. Donc, il y a un commentaire anonyme qui dit qu'on y traite, oui, chez Ubisoft Montréal, qu'on y traite les employés anglophones comme des citoyens de seconde classe. C'est ce que dit Jean-François Coderre sur le blog de jeuxvideo.blog.canoë.ca. On parle maintenant de quelques problèmes dans des jeux vidéo. Le jeu le plus attendu sur la Wii depuis quelques mois souffre de quelques problèmes sur certaines Wii. C'est bel et bien vrai. En effet, pour certains joueurs, le disque de Super Smash Bros. Brawl est tout simplement illisible en raison d'une lentille sale de la Nintendo Wii. Super Smash Bros. Brawl utilise un DVD à double couche plus sensible au niveau de la lentille de la Wii. Ainsi, si cette dernière est sale, le jeu est tout simplement illisible et ne peut donc pas fonctionner. Le seul remède afin de corriger ce problème et de faire nettoyer sa Wii par Nintendo ou encore au centre de réparation agréé de Nintendo le plus près de chez vous. La compagnie affirme qu'il ne s'agit que d'un mince pourcentage de Wii qui souffre de ce problème en particulier. Nintendo a mis en ligne une page spéciale qui est au nintendo.com/consumer/repair pour tout propriétaire de Wii faisant face à ce problème en Amérique du Nord. La firme s'engage à couvrir tous les frais d'envoi et de nettoyage de votre Wii et a stipulé qu'aucune donnée ne devrait être perdue si vous procédez à l'expédition et au nettoyage de votre Wii par Nintendo. Donc allez voir l'article, Nintendo répond au problème de Super Smash Bros. Brawl sur lunechance.com si vous voulez participer à ce programme. On parle d'un autre problème dans un jeu vidéo, on parle ici de Bully. Disponible depuis quelques temps sur la Xbox 360, Bully Scholarship Edition a laissé pas mal de joueurs sur leur faim, non pas à cause de ses qualités ludiques, mais plutôt en raison de bugs multiples causant le crash de la console, dit GameCult.com. Ne pouvant décemment pas rester silencieux face à la gronde des consommateurs, Rockstar Games s'est excusé officiellement et annonce qu'il travaille activement sur une mise à jour destinée à régler les problèmes de cette version. Le précieux patch devrait arriver cette semaine sur Xbox Live. L'article date de lundi le 10 mars. Et toujours au sujet de Bully, qui sème la controverse partout où il passe. Après Manhunt 2, c'est autour d'un autre titre de Rockstar de subir les foudres de certaines têtes pensantes. Au Royaume-Uni, selon la National Union of Teachers et la Scottish Secondary Teachers Association, Bully sur Xbox 360 et Nintendo Wii ne fait qu'encourager la violence dans les écoles en la récompensant à l'heure où les problèmes en milieu scolaire abondent, comme agression sur les professeurs, etc. Une levée de bouclier, en somme, pour un titre qui pourrait être interdit à l'avenir, surtout que les deux associations en question souhaitent d'ores et déjà le retrait du titre sur des sites de vente tels que Amazon. Décidément, Rockstar paie pour son audace ces temps-ci, dit jeuxfrance.com. Donc, fait le tour pour le bloc F5 jeux vidéo. Maintenant, voici le palmarès des jeux les plus loués au Super Club Vidéo 3 la semaine dernière. En 5e, on retrouve Devil May Cry 4 sur la Xbox 360. En 4e, c'est Army of Two sur la PlayStation 3. En 3e, c'est Frontlines Fuel of War sur la Xbox 360. En 2e, c'est Super Mario Galaxy sur la Wii. Et la première place est réservée à Army of Two sur la Xbox 360. On écoute une pièce de Sundry Lurky. Voici She's Fantastic et la personne à qui je dédie cette pièce se reconnaîtra. C'est difficile, hein? La connexion 89.fm, vos oreilles à l'intérieur. All the girls that I know suddenly seem so. Suddenly no one quite can compare to her. Why she's fantastic, I do not know what to do. What is a guy to contribute? All the girls my own age at me turning the page. There's a eager to try. She don't do nothing. Why? She's fantastic. I do not know what to do. What is a guy to contribute? Just like in that old movie, the collector spell. I feel obsessed like Scotty Fell. Minus the drama and the fraud. I hope I get to get into her way. Out of my way. In this room, she'll look pretty and groom, but I must let you down. She's ahead of your house, she's fantastic. I do not know what to do. Honestly, what can I contribute? Just like in that old movie by Rebecca's spell, I feel like Max never fell. Minus the drama and the fraud, I hope I got to get into her way. Out of my way. About girls that I've seen. Very few reach beyond my eyes after I'm gone. No one makes me so weak. None appear so unique. In a cluster of freaks, she is all that I seek. No one makes me confused. And so certain I lose. I'm battered and bruised. I'm disheveled but true. Everything is a blur. Everything is a blur. None of this would occur if it wasn't for her. She's fantastic. I do not know what to do. Honestly, what can I contribute? Sonny Lurky, la pièce She's Fantastic, ici à la Connexion à CFOU 89.1 FM, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Et maintenant, c'est l'heure de parler de nouvelles du futur. Oui. On commence par la société de télécommunications canadienne Nortel Networks qui a présenté une nouvelle technologie numérique qui, selon elle, peut quadrupler la vitesse d'un réseau, donnant aux fournisseurs d'accès davantage de puissance pour accommoder l'appétit insatiable d'Internet pour de plus en plus de bandes passantes. Nortel a annoncé le début des essais de sa technologie 40G 100G Adaptive Optical Engine qui permettra, selon elle, des vitesses de transmission pouvant atteindre 40 et 100 gigs, soit nettement plus que la norme actuelle de 10 gigs. Hein? Les réseaux privés inter-entreprises et l'offre en ligne de vidéos haute définition expliquent la hausse de la demande pour de la bande passante. On a bien hâte de pouvoir utiliser ça. Le fabricant informatique américain Sun Microsystems, spécialisé dans les serveurs pour entreprises, a annoncé son intention de lancer bientôt une gamme de logiciels et de matériel permettant de créer des ordinateurs virtuels sous Windows et Linux. En utilisant un logiciel développé par Sun, les entreprises pourront héberger les PC virtuels Windows sur des serveurs installés dans un centre de données. Pour accéder au PC virtuel, Sun mettra sur le marché un équipement composé d'un ordinateur et d'un moniteur qui devrait coûter 200 $ US. Les PC virtuels permettent aux responsables informatiques de centraliser la gestion des données stockées sur des serveurs au lieu de se déplacer sur chaque site où l'utilisateur accède à son ordinateur. Avec un PC virtuel, l'utilisateur peut également accéder à ses données et les synchroniser sur différents appareils, ordinateurs portables et téléphones mobiles, y compris les téléphones intelligents comme le BlackBerry. Avec ce nouveau projet, Sun Microsystems va rejoindre Citrix Systems, VMware et d'autres sociétés qui espèrent prendre des positions clés sur le marché de la virtualisation. Qui aurait cru qu'un simple disque de 12 cm pourrait supporter un téraoctet de données? C'est le pari de Mempile, l'entreprise israélienne à l'origine de la technologie TeraDisc. Le disque transparent conçu par Mempile, dont la structure s'apparente à celle du DVD 5, contient 200 couches virtuelles, chacune capable de stocker environ 5 gigaoctets. La distorsion de la lumière obtenue lorsque la lumière pénètre un trop grand nombre de couches est évitée par la multiplication des couches à l'aide d'un procédé holographique. Le disque devrait être disponible au grand public vers 2010. Mempile souhaite que sa technologie soit plus abordable que tout stockage optique. Une société britannique a mis au point une caméra capable de discerner les rayons électromagnétiques d'armes, de bombes ou de drogues cachées sous les vêtements. La caméra T5000, mise au point par la société britannique True Vision, est capable d'identifier un objet caché sous des vêtements en utilisant les rayons électromagnétiques naturels qu'ils émettent. La technologie, qui s'inspire des travaux de l'Agence spatiale européenne portant sur les étoiles en fin de cycle, fonctionne selon le principe que tout objet émet une faible radiation électromagnétique. La caméra, qui peut détecter des objets jusqu'à une distance de 25 mètres ou 80 pieds, ne peut toutefois pas révéler les parties du corps. La T-5000 pourrait notamment être utilisée pour des besoins militaires et civils dans des aéroports, des centres commerciaux ou lors d'événements sportifs. Les robots du futur pourront grimper au mur et zigzaguer sur les toits grâce à des techniques motrices empruntées aux cafards dont les déplacements défient les lois de la gravité. Ces techniques motrices qui sont exposées dans une étude publiée mercredi dernier dans des chercheurs de Cambridge, en Grande-Bretagne. Fruit de 300 millions d'années d'évolution, l'espèce Nofeta cinerea utilise deux petits coussinets sous ses pattes pour se déplacer sur les parois, y compris la tête en bas. Les travaux antérieurs avaient permis de montrer que ces coussinets étaient recouverts d'un mince film de liquide gras dont la composition reste inconnue. Ce film agit comme une gouttelette d'eau coincée entre deux plaques de verre qui restent fermement collées l'une à l'autre par la tension de surface. Les coussinets du cafard, eux, adhèrent à la surface avec laquelle ils sont en contact si on tire dessus, mais se détachent s'ils sont poussés. Les deux mouvements étant nécessaires au déplacement, un coussinet sert d'orteil pour tirer et un autre de talon pour pousser. C'est ce qu'ont constaté les zoologistes Walter Federal et Christopher Clement, dont les travaux paraissent dans la revue Proceedings of the Royal Society, l'équivalent britannique de l'Académie des sciences. Ces découvertes devraient être utiles aux roboticiens, qui s'inspirent également d'autres créatures aux pattes adhésives, comme les araignées. Des robots hominiformes, actuels, sont d'ores et déjà capables de monter sur des parois, mais rencontrent de graves difficultés dès qu'il s'agit de redescendre. Leur tête restant orientée vers le haut, qu'ils soient en montée ou en descente, leurs pieds, destinés pour tracter et non pour pousser, ont le plus grand mal lors de la désescalade. Un pied de robot inspiré par un insecte générant des tractions et poussé pourrait permettre de mieux manœuvrer. Voilà, c'est ce qu'on va expliquer à l'agence France Presse, les deux scientifiques. Les robots de demain prendront exemple sur les cafards, n'est-ce pas intéressant? Là, je fais le tour pour les nouvelles du futur. On s'en va entendre une pièce de Animal Crossing qui s'appelle Traveling. C'est un remix de Overclocked Remix par Kai Jin. On s'en va entendre ça tout de suite pour terminer la première heure de La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Dans la deuxième heure, on va parler, entre autres, d'informatique. On va aussi parler des jeux qui s'en viennent bientôt sur vos écrans. Et il va y avoir le fil technologique, un paquet de nouvelles intéressantes dans la deuxième heure de l'émission la plus rapide au monde, La Connexion, au 89.1 FM. Bon, tour, c'est la deuxième heure de La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo, l'émission la plus rapide au monde. Dans cette deuxième heure, on va parler surtout d'informatique avec Bill Gates, qui est détrôné par Warren Buffett en tant qu'homme le plus riche du monde. Oh, pauvre lui! Ah, c'est déprimant, des affaires de même. Il doit avoir quelques milliers de dollars de moins dans sa fortune. Oh. Ça, puis après ça, il va se casser un ongle. Pour arriver, le malheur, ça. Quand ça s'acharne sur toi, t'sais, retourne donc au premier rang, comme on dit, avec le roi poisson. Retourne au premier rang. premier rang de la formation Le Roi Poisson. Pourquoi premier rang? Pourquoi j'ai choisi cette pièce-là? Quel hasard que vous me le demandez. Parce que Bill Gates a perdu sa place au premier rang des gens les plus riches au monde. Donc, pauvre lui! Après un règne sans partage de 13 ans, le fondateur de Microsoft a perdu sa couronne d'homme le plus riche de la planète au profit de l'investisseur américain Warren Buffett, selon le classement établi par le magazine économique américain Forbes. Forbes explique sur son site que le gourou de la finance à la tête de sa holding Berkshire Hathaway a vu sa fortune enfler et atteindre 62 milliards de dollars, soit 10 milliards de dollars de plus qu'il y a un an, notamment grâce à son flair sur la crise des prêts hypothécaires, ce qu'on appelle les subprimes. Buffett, âgé de 77 ans, est tombé dans le monde des affaires dès son plus jeune âge. Et il livrait des journaux quand il était jeune. Il a fait sa première déclaration fiscale à 13 ans, imaginez. Avec une fortune estimée à 58 milliards de dollars, la dégringolade de Bill Gates est rude puisqu'il doit se contenter de la troisième place, la deuxième étant désormais occupée par le magnat mexicain des télécoms Carlos Slim. Hello! Le site internet www.forbes.com/lists pour plus d'informations ou passez par lunechance.com. Après plusieurs années de négociations, parlant de gens riches, Apple aurait enfin réussi à s'entendre avec Paul McCartney pour que le catalogue des Beatles soit bientôt disponible sur iTunes, rapportent deux quotidiens britanniques. L'ancien bassiste et compositeur a récemment accepté les propositions d'Apple, mais aucune date de lancement officiel du répertoire n'aurait été déterminée pour le moment. L'entente entre les deux Apple pourrait valoir 300 millions de livres sterling, soit plus de 600 millions de dollars canadiens. Les albums solo du bassiste sont disponibles sur iTunes depuis le mois de mai dernier, ainsi que ceux des autres membres du groupe, mais Apple estime que le répertoire des Beatles serait beaucoup plus populaire. Bien que Paul McCartney soit dans cette affaire le représentant du groupe, Ringo Starr et les familles de John Lennon et de George Harrison décédés en 80 et en 2001 recevraient également une bonne part des revenus tirés de l'entente. Apple dévoile de nouvelles fonctions à son iPhone en voie de devenir un rival sérieux au BlackBerry de RIM. Il sera désormais possible aux utilisateurs de la prochaine génération d'iPhone de se connecter au serveur de messagerie Exchange de Microsoft. La nouvelle version du système d'exploitation du iPhone, qui sera disponible gratuitement en juin, prendra en charge la synchronisation de contacts, de calendriers et de courriels provenant du serveur de Microsoft. Le nouveau iPhone sera également doté d'un environnement de sécurité renforcé. Et selon Steve Jobs, le PDG d'Apple, le BlackBerry détient actuellement 41% du marché américain de ses téléphones dits intelligents contre 21% à l'iPhone. Plusieurs usagers francophones du réseau social Facebook se réjouissent de l'apparition du français dans la liste des langues supportées par l'application. Près de 200 000 usagers se sont réunis dans le groupe Petition pour que Facebook soit traduit en français Invite All ou rallié à la cause pour un Facebook en français. Il n'en fallait pas plus pour que la société réagisse. Après avoir mis en ligne les versions allemandes et espagnoles, la version française est disponible depuis le 8 mars, depuis samedi dernier. La particularité du processus, ce sont des usagers qui ont traduit la plateforme, assistés de traducteurs professionnels engagés par l'entreprise, des usagers triés sur le volet ont collaboré à la traduction, puis ont voté sur les différentes propositions. Près de 43 000 expressions ont été traduites. Pour profiter de la traduction, si ça vous intéresse, les usagers, vous devez sélectionner français dans l'onglet « Langage » du menu « Account » de votre compte Facebook. Toujours au sujet de Facebook, publication cette semaine d'un sondage Ipsos branchez-vous.com qui révèle que 28% des internautes québécois francophones de 18 ans et plus seraient membres du réseau social Facebook. Une affirmation surprenante, dit Bruno Guglielminetti de Radio-Canada, alors que selon le service publicitaire de Facebook, il y aurait en ce moment 950 000 utilisateurs de Facebook au Québec. C'est évidemment beaucoup de gens, mais on est loin des 2 millions d'utilisateurs de la maison Ipsos. Toujours selon le premier volet de l'enquête, les trois quarts des Québécois auraient entendu parler de Facebook. Allez donc lire l'analyse du Devoir et un lien pour aller consulter le premier volet de cette enquête dans l'article sur lunechance.com. Enquête qui sera décortiquée pendant toute la semaine. En fait, les articles sont déjà sur branchez-vous.com. Assez intéressant, mais très, très long à lire. Coïncidence, dit Bruno, l'édition 2008 du rapport annuel du CIFRIO, qui devrait paraître la semaine prochaine, portera également sur l'utilisation des outils du Web 2.0 par les Québécois. Toujours au sujet de Facebook, le ministère de la Défense avec les soldats avise les soldats canadiens qui ont une page sur Facebook de ne pas y afficher des renseignements ou des photos personnelles. Selon un document publié à l'interne le mois dernier dont la CBC a obtenu copie, le ministère semble avoir en sa possession des renseignements qui indiquent que des agents ou des sympathisants du groupe terroriste Al-Qaïda parcourent Facebook à la recherche de ce type de renseignements. D'ailleurs, à ce sujet, selon un général de l'armée canadienne interviewé par le quotidien Toronto Star, les talibans obtiendraient plus de 80% de leur information par Internet. Du coup, on incite dorénavant les soldats à ne pas publier de photos de soi en tenue de combat ou en uniforme militaire pour ne pas attirer l'attention sur eux, leur famille ou leurs amis. Et puis, le haut commandement des forces canadiennes recommande aussi à ses membres de ne pas divulguer aucune information stratégique, soit en texte ou en photo, en provenance de la mission canadienne en Afghanistan. L'article est aussi de Radio-Canada. Oubliez la radio traditionnelle, le nouvel album de R.E.M. Accelerate sera lancé sur le réseau social I Like. Le premier déploiement du genre permettra aux admirateurs d'écouter et de partager les pistes de l'album en entier dès le 24 mars, une semaine avant la sortie de l'album en magasin prévu le 1er avril. Le lancement de l'album sur I Like sera accompagné d'une vidéo exclusive où les membres du groupe parlent de l'album. Les 11 chansons seront offertes gratuitement à quiconque utilise ilike.com, Facebook, iTunes ou tout autre réseau social hébergeant l'application I Like. La première de l'album Accelerate sur I Like fait partie des initiatives de diffusion web du groupe qui veut transmettre sa musique directement en public. Tel que rapporté précédemment, le groupe a récemment lancé un site web de matériel brut et a invité les visiteurs à créer leur propre vidéo pour le premier single de l'album, Supernatural Super Serious. Le trio a également diffusé quotidiennement des bribes téléchargeables du nouveau matériel sur 90nights.com. Ça rappelle un peu d'autres groupes qui ont fait la même chose, dont Radiohead. Et bon, voilà. La période des impôts n'est jamais très agréable pour les contribuables québécois et canadiens, dit Canoë.com. Il est donc pratiquement impossible de passer outre cette obligation, mais depuis quelques années, le processus a été allégé de façon significative. En effet, Québec et Ottawa ont mis à la disposition des contribuables une série de moyens électroniques pour remplir les déclarations en ligne. Il s'agit d'un système rapide, pratique et sécurisé. Si on a droit à un remboursement, les sommes dues sont reçues beaucoup plus rapidement aussi, donc c'est toujours très intéressant. Il y a deux façons possibles de procéder, dit Canoë, ou bien on se procure un logiciel approuvé en vente dans les magasins, ou encore on se rend directement sur un site web conçu à cet effet. Dans les deux cas, les coûts reliés à ce service varient entre 15 et 35 $. Dans le cas d'une situation fiscale ordinaire, il vaut la peine de tenter au moins une fois l'expérience, disent-ils. En fait, l'utilisateur ne fait aucun calcul, il suffit de répondre aux différentes questions en s'assurant de fournir les données exactes telles qu'elles apparaissent sur les relevés. Il est même possible de tenter l'expérience gratuitement. Le site impôtexpert.ca, entre autres, offre la possibilité aux contribuables canadiens d'expérimenter son service gratuitement. Les gens doivent payer à la toute fin du processus lorsqu'il est temps d'imprimer le rapport ou de l'envoyer électroniquement. Si on n'est pas satisfait de l'expérience, il n'y a aucun frais à débourser et on peut alors faire ses déclarations par un spécialiste. Voilà qui fait le tour pour les nouvelles informatiques dans le bloc F5 informatique. Voici le top 5 des mots-clés les plus recherchés la semaine dernière sur la toile du Québec. En cinquième, ça monte avec Facebook. En quatrième, ça descend avec les PAC. En troisième, ça descend avec Hotmail. En deuxième, c'est stable avec Horoscope. Et la première place, c'est les gens veulent savoir qu'est-ce qu'il va faire comme temps. C'est Météo Média. C'est vrai. Dash.com. Maintenant, c'est l'heure du fil technologique. Parlons des nouvelles qui ont marqué le monde de tout ce qui n'est pas informatique ou jeux vidéo, mais qui a rapport avec les technologies. Le gouvernement japonais a demandé l'ouverture d'une enquête concernant un baladeur audio numérique iPod qui aurait fait des étincelles alors qu'il était branché à un ordinateur pour que sa batterie soit rechargée, selon l'Associated Press. L'incident serait survenu en janvier, mais Apple aurait prévenu ce mois-ci le ministère japonais du Commerce et de l'Économie. Aucune personne n'a été blessée. Le gouvernement japonais a demandé à la compagnie californienne de trouver la cause de la défectuosité technique. Une porte-parole d'Apple a indiqué que la batterie au lithium-ion du baladeur audio numérique est probablement en cause, mais qu'il est encore trop tôt pour confirmer cette hypothèse. C'est la première fois qu'un exemplaire génère des étincelles. Toutefois, des batteries au lithium-ion défectueuses utilisées dans plusieurs millions d'ordinateurs portables de Sony, Dell, Lenovo et Apple ont été rappelées en 2006. On en a parlé pendant des semaines à la connexion après que quelques appareils aient pris en feu. L'Office du tourisme du Québec et la mairie incitent la population à voter massivement pour que la ville apparaisse sur une case du prochain jeu de Monopoly. Il reste peu de temps d'ici à dimanche. La date est déjà passée, mais bon, pour l'emporter. Parker Brothers, fabricant du jeu symbole du capitalisme, a lancé un concours mondial pour attribuer des cases à des villes dans la version internationale de son jeu. Une vingtaine de villes ont mérité leur place, dont Montréal, mais il restait deux cases en date de jeudi dernier à remplir. Je vais vous tenir au courant si ça a été fait. Je croyais que l'article aurait été mis à jour pour vous le dire, mais quand même, on y reviendra la semaine prochaine à la place. Perdons pas de temps avec cette nouvelle. Si votre patron est plus ou moins satisfait de votre performance au bureau, demandez-lui le plus sérieusement du monde un bel écran tout neuf de 24 pouces afin d'améliorer votre productivité. Et s'il ne comprend pas votre réaction, parlez-lui de cette étude menée par des chercheurs de l'Université de l'Utah. Ces scientifiques ont voulu savoir si la taille d'un écran d'ordinateur pouvait avoir une influence quelconque sur un travail relativement simple, par exemple corriger un texte ou copier des chiffres sur une feuille de calcul électronique. Le travail a été effectué sur un écran de 18 pouces, sur un écran de 24 pouces et sur deux écrans de 20 pouces. Résultat? Les gens qui ont travaillé à l'écran de 24 pouces ont réussi à faire le travail 52% plus vite que ceux qui utilisaient un écran de 18 pouces. Pour ceux et celles qui ont effectué le travail sur deux écrans de 20 pouces, ce fut 42% plus rapide. Mais au-delà d'un écran de 24 pouces, la productivité retombe. Les chercheurs concluent que mathématiquement, il est possible de sauver 2h30 de travail par jour. En pratique, cependant, cette conclusion est exagérée. Le professeur James Anderson, qui a mené cette étude, souligne que pour en arriver à cette conclusion, il faut que l'employé travaille sans arrêt 8 heures par jour, ce qui est pratiquement impossible. De plus, il note que le type de travail à effectuer sur un ordinateur varie d'un employé à l'autre et qu'en modifiant les tâches à exécuter, les résultats pourraient être différents. Cela dit, cette expérience révèle que pour faire un bon travail, il faut les bons outils. Tellement vrai, je dis toujours, si tu as un ordinateur merdique, ton travail va en souffrir. C'est le cas pour moi. C'est la raison pour laquelle ces chercheurs veulent faire réaliser aux responsables de l'équipement dans les entreprises de prendre le temps de bien analyser la tâche de chaque employé dans le but de choisir l'outil le mieux adapté. Et si pour une raison d'économie, l'entreprise doit acheter plusieurs dizaines d'écrans identiques, le professeur Anderson suggère d'acheter les écrans les plus larges possibles. En somme, c'est comme le vieux dicton dit que parfois, la grosseur a son importance. Pour l'humour de canoë.com. On a tous entendu parler des veuves de l'Internet, ces femmes qui se sont senties abandonnées par leur conjoint en raison du trop grand nombre d'heures passées en ligne par celui-ci. Des livres ont été écrits sur ce phénomène, de même que sur la cyberdépendance. Un sondage réalisé en Grande-Bretagne au cours des derniers jours semble indiquer que gadgets électroniques et vie de couple ne font effectivement pas bon ménage. Réalisé par le Sleep Council, l'étude a été réalisée en ligne fin février début mars auprès de 1408 personnes. Elle révèle que l'obsession grandissante pour les ordinateurs, les consoles de jeux vidéo, les cellulaires, etc. fait en sorte que les hommes et les femmes qui forment des couples se couchent à des heures différentes. 40% des personnes interrogées avouent aller au lit à des heures différentes de celles de leur conjoint ou conjointe. La tendre moitié étant trop occupée à jouer avec ses gadgets électroniques. J'en suis coupable. Et ce n'est pas tout. 8 personnes sur 10 avouent se coucher avec leur portable ou autre appareil du genre. J'en suis coupable encore. De façon plus pointue, 22% des gens utilisent leur BlackBerry ou leur cellulaire comme réveil matin, 43% écoutent la télé au lit et 26% font des appels téléphoniques ou envoient des messages textes une fois couchés. Certains observateurs affirment même que les chambres à coucher sont devenues des centres high-tech plutôt que des endroits pour se reposer. Résultat, la vie de couple s'en ressent et les gens sont de plus en plus fatigués. Coupable. Ce sondage va un peu dans le même sens que celui réalisé l'automne dernier aux États-Unis par la firme JWT. 48% des personnes interrogées indiquaient alors que le téléphone portable et l'accès à Internet était devenu une partie primordiale de leur vie. 28% des gens admettaient consacrer moins de temps à leur vie sociale en raison du temps passé en ligne et 20% avouaient avoir une vie sexuelle moins présente en raison du temps passé à naviguer. Triste sort. Ces résultats ont fait dire à Anne Mack, la responsable de l'étude, et je cite, « Le temps passé en ligne empiète sur les activités de la vie réelle, dont le sexe, la vie sociale, la télé, la lecture, des journaux et des magazines. Je ne pense pas que leur partenaire soit vraiment ravi de ça. » Une bonne nouvelle pour les acheteurs, oui, un petit peu trop tôt, du HD-DVD. Les consommateurs coincés avec un lecteur et une collection de films de format HD-DVD déclarés morts il y a quelques semaines peuvent se tourner vers Future Shop qui leur offrira 100$ de rabais pour adopter le Blu-ray. Mais vous allez voir que c'est une très bonne chose. Non pas juste pour vous les clients, mais pour les gens, la société en général. Grand perdant de la guerre qui a opposé pendant 2 ans les formats HD et Blu-ray, les consommateurs qui s'étaient rangés dans le camp HD-DVD peuvent atténuer leurs pertes. Jusqu'au 3 avril, ils obtiendront un rabais de 100$ à l'achat d'un lecteur LG ou Samsung pouvant lire à la fois les HD-DVD et les Blu-ray. Ces lecteurs hybrides leur permettront de continuer de bénéficier de la collection de titres format HD-DVD qu'ils ont déjà constitué. Les deux lecteurs hybrides coûtent respectivement 500 et 800$ avant le rabais de 100$, ce qui les amène donc à 400 et à 700. Seuls les lecteurs HD-DVD de salon sont admissibles, ce qui exclut les lecteurs pour Xbox 360 ou pour ordinateur. Les lecteurs HD-DVD recueillis seront remis au regroupement des maisons de jeunes du Québec. Hein, c'est ça la bonne nouvelle, avec qui Future Shop collabore déjà régulièrement depuis 2 ans. On parle d'appareils de grande marque et de très bonne qualité, dit Future Shop récent, qui peuvent aussi lire les DVD réguliers. Donc, il n'y a aucun problème à donner ça à des maisons de jeunes. Par ailleurs, la liquidation des derniers lecteurs HD DVD offerts à rabais pour s'en débarrasser va bon train, selon quelqu'un de chez Future Shop. Aux dernières nouvelles, il ne reste qu'un ou deux lecteurs par magasin. Les choses vont bien. Il y a 10 ans sortaient les premiers baladeurs capables de lire des morceaux MP3, dit Cluebic.com. À l'époque, cette révolution audio est passée presque inaperçue, sauf peut-être pour ceux qui étaient déjà attachés au fameux format audio principalement exploité à l'époque sur PC. C'est une société coréenne nommée Seihan Information Systems qui a commercialisé au printemps 98 un premier baladeur MP3 nommé le MP-Man F10. Aujourd'hui, le lecteur MP3 est devenu un produit multimédia grand public incontournable, bien évidemment. Voilà qui fait le tour pour les nouvelles informatiques. Plus tard, on fera le fil technologique et le reste de ce qu'on a le temps de faire d'ici la fin de l'émission. Mais avant, voici le top des logiciels les plus téléchargés sur download.com en ce moment même. En cinquième, on retrouve le logiciel antivirus Avast Home Edition. En quatrième, c'est le logiciel de clavardage ICQ. Oui, encore des gens qui utilisent ça. En troisième, le logiciel de téléchargement d'MP3 LimeWire. En deuxième, c'est Adaware 2007 pour enlever vos espions logiciels méchants sur votre ordinateur. Et le logiciel le plus téléchargé sur download.com, c'est l'antivirus AVG. Vous êtes à la connexion. Émission la plus rapide au monde. Au 89.1 FM, dans vos oreilles. Going for a ride, my best friend and I. Wink and give her a smile. Hey, pointed shades, wind on my face. I light a cigarette. Engine is roaring and roads are steaming. Hearts are glowing. Freedom is forever. Angels cannot fall and devils won't be put. We're just gonna. Playing loud, and we're singing along. My best friend and I, blah, blah. Nothing is denied. The sky's our guide, and we cannot be confined. No, engine is roaring, and roads are steaming. Horror Pops avec Thelma and Louise à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Avant d'aller en pause, c'est lors de notre quiz musical de la semaine nommé le jeu suivant sur Game Boy Advance. Pas facile, n'est-ce pas? La réponse au retour à la connexion au 89.fm. Avant la pause, je vous ai demandé de nommer ce jeu sur Game Boy Advance. Pensez-y encore un peu. La réponse, c'est Castlevania Harmony of Dissonance. Oui, c'est pas toujours facile, le quiz musical à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. On est dans les dernières 20 minutes à peine. Donc, à la place de passer en musique, continuons tout de suite. Parlons de choses qui vous intéressent, de choses qui vous importent le plus, pourquoi pas. Voici donc les nouveautés en magasin cette semaine. On commence donc par les nouveautés qui sont en magasin à partir de cette semaine dans vos magasins préférés. On commence par les multiplateformes, les jeux qui sortent sur plusieurs consoles en même temps. Winning Eleven Pro Evolution Soccer 2008 sur DS, PS2, PS3, PSP et 360. C'est un jeu de simulation de soccer. Ensuite, il y a Condemned 2 Bloodshot sur PS3 et Xbox 360. Un jeu d'action-aventure horreur. Sur DS, Nano Street 2 de Majesco Games, c'est un shoot'em up. Insecticide de Gamecock, c'est un jeu d'aventure, action, science-fiction. Et finalement, Final Fantasy Crystal Chronicles Ring of Fate, c'est un jeu d'action, un jeu de rôle d'action. Sur PC, 13th Century Death or Glory, un jeu de stratégie en temps réel historique. Seven Kingdoms Conquest, un jeu aussi de stratégie en temps réel historique. Même chose pour Thunderstrike 3 Arms for Victory. Ensuite, il y a Lost Empire Immortals de Paradox. C'est un jeu de stratégie de science-fiction. Sam et Max, épisode 204, Chariots of the Dogs, un jeu d'action. Sur PlayStation 2, Buzz de Hollywood Quiz et Buzz Junior Robo Jam, deux jeux de genre jeu télévisé, trivia. Et finalement, Ratchet & Clank, Size Matters, un jeu d'action, aventure, science-fiction. Et sur PSP, World Championship Cards, un jeu de casino. Wild Arms XF, un jeu de stratégie fantastique. Et Flat Out Head-On, un jeu de course. Ensuite, si on continue le bloc dans bientôt sur vos écrans avec, pourquoi pas, les jeux sur la Xbox Live Arcade. Le service de la Xbox affiche deux nouveaux jeux pour garnir sa bibliothèque depuis le 12 mars dernier. Au menu, un jeu de simulation cérébrale avec Brain Challenge et un jeu de casse-tête portant le nom de Bliss Island. Le premier vous permet d'entraîner votre matière grise à travers plusieurs activités. Et Bliss Island vous permet d'incarner une créature mystique bleue créant des nuages à l'aide de son souffle. Ça, c'est sur le Xbox Live Arcade. Côté Virtual Console de la Nintendo Wii, une double dose de classique est offerte cette semaine via la Wii. En effet, Nintendo a rendu disponible deux nouveaux jeux pour les nostalgiques à travers son service de console virtuelle. On commence par Doremi Fantasy, Mylon's Doki Doki Adventure. Ça, c'est un jeu d'action où un jeune garçon doit s'aventurer dans un monde fantaisiste. Et le second jeu de la franchise, Puyo Puyo, qui vous demande, une fois de plus, d'éliminer des blocs de la même couleur en les assemblant en ligne droite ou bien en diverses formes géométriques. Ça s'appelle Puyo Puyo 2 Sous, sur la console virtuelle de la Nintendo Wii. Et finalement, sur le PlayStation Store, après quelques semaines relativement chiches, le PlayStation Store, avant sa prochaine refonte, revient avec un nouveau jeu téléchargeable ainsi que du contenu additionnel. Le jeu de la semaine, c'est Rocketman Axis of Evil, dont la démo est disponible aussi. C'est un jeu de tir de Capcom. Pour le contenu additionnel, on parle de nouvelles pièces pour Guitar Hero 3. C'est le Modern Metal Track Pack qui comprend Almost Easy de Avenged Sevenfold, The Arsonist par Thrice et All in the Hurt par Deftones. Pour Rock Band, 6 nouvelles chansons de Grateful Dead au prix de 2,50$ ou le pack complet pour 10,50$. Et il y a plusieurs vidéos aussi disponibles. La bande-annonce de NBA Ballers de Chosen One, le film Hancock et la bande-annonce de 21. Le thème PS3 de Lost Planet ainsi que des fonds d'écran de Condemned 2 Bloodshot sont téléchargeables. Et spécifiquement pour la PSP, on retrouve Flow et Ape Escape on the Loose sur le PlayStation Store version PC. Les jeux estampillés Bomberman se suivent et se ressemblent, dit jeuxfrance.com, ou presque, et ce n'est pas le prochain opus de la Wii qui créera vraiment la révolution, disent-ils. Un mode story classique où on enchaînera les 39 tableaux annoncés, et un mode online qui s'annonce excellent par sa possibilité de jouer à jusqu'à 8 online. L'éditeur annonce tout de même que la Wiimote sera utilisée pour utiliser des objets, que les Mii aussi seront présents et que de nouveaux items ou articles répondront à l'appel sorti prévu pour juin au Japon. Pas de vidéo, pas d'image, mais on apprend la confirmation du développement de Bioshock 2. C'est 2K Games qui a annoncé ça la semaine dernière, ou non, plutôt cette semaine. Il faudra attendre un bon moment avant d'en avoir un peu plus là-dessus, surtout que la sortie est annoncée pour fin 2009. Les rumeurs sous-entendent uniquement des versions PC et Xbox 360, mais rien n'est confirmé. Même si on doit attendre le 19 mars pour tout savoir, ou presque, sur les Sims 3, Electronic Arts n'a semble-t-il pas résisté à nous parler un peu de son prochain bébé avant la date fatidique. Les Sims 3e du nom imposera donc une révolution pour la série avec une liberté de mouvement plus grande, dont la possibilité d'aller voir chez les voisins ou dans la rue sans coupure, et une personnalisation beaucoup plus poussée dans la création d'avatars dans le logement du sol au plafond, dans les interactions avec les nombreux habitants de la ville, etc. Il ne reste plus qu'à attendre davantage d'infos ainsi que des images. Il y a quelques jours, des entrées uniques pour Portal, Team Fortress 2 et Half-Life 2 épisode 2 sont apparues sur le site du détaillant EB Games et GameStop. Ces entrées laissent donc croire que Valve a l'intention de passer ses jeux en solo, trois jeux qui font présentement partie de la collection The Orange Box. Selon Joystick, c'est exactement ce qui va se produire le 9 avril. Tout indique que TF2 et Half-Life 2 coûteront 30$ alors que Portal se vendra 20$. Le nouveau studio californien Tiki Games a annoncé le développement de Nova Strike exclusivement sur PlayStation 3. Il s'agit d'un jeu de tir, un shooter classique qui se déroulera dans un monde futuriste. À bord de son vaisseau expérimental Scythe, le joueur devra affronter les armées de Dreilus dans 7 niveaux différents. Plusieurs objectifs devront être accomplis. Évidemment, l'arsenal du Scythe prendra de l'ampleur au fil du temps. Parfois, des vaisseaux amis viendront vous aider, notamment via des bombardiers. Tiki Games promet le support complet de la DualShock 3, la manette de la PlayStation 3. Nova Strike sera lancé sur le PlayStation Store bientôt et du contenu additionnel est déjà prévu pour plus tard cette année. Rappelez-vous vos beaux jours en tant que gardien ou gardienne averti, eh bien Majesco vous les fera revivre à travers le jeu Babysitting Mania, présentement en développement pour la console Nintendo DS. Ça vous permettra de prendre le contrôle d'une gardienne d'enfants à travers 20 maisons chaotiques. Au total, plus de 100 niveaux, vous aurez à nourrir, nettoyer et divertir des enfants très agités. Babysitting Mania est prévu pour la fin de l'année. Le mode Damnation de Unreal Tournament 2004, qui a remporté la seconde place du concours Make Something Unreal de Epic Games, sera finalement porté en jeu vidéo commercial. Codemasters a annoncé qu'elle se chargera de distribuer ce mode en jeu vidéo sur les consoles Xbox 360 et PlayStation 3, ainsi que sur PC. Damnation est prévu pour la fin de l'année 2008. Voilà qui fait le tour donc pour les jeux qui s'en viennent. Il y a aussi, je vais vous laisser aller voir les articles, All-Star Cheerleader pour la Nintendo Wii, il y a aussi, qui va utiliser la plateforme Wii Fit. Il y a aussi Guilty Gear 2 Overture qui a été annoncé, Wacky Races, le dessin animé qui s'en vient aussi, et MotorStorm 2. Voilà donc pour les jeux qui s'en viennent bientôt sur vos écrans. Voici maintenant les jeux les plus populaires en ce moment même sur OneUp.com. En 5e, on retrouve Halo 3. En 4e, StarCraft 2 sur PC. En 3e, Army of Two sur 360. En 2e, Army of Two sur PS3. Et le jeu le plus regardé sur OneUp.com, c'est Super Smash Bros. Brawl, qui est sorti le 9 mars dernier. Voilà donc pour le bloc sur vos écrans. Et maintenant, passons subtilement, comme toujours, à un bloc cybercrime. Les nouvelles de tout ce qui est croche, de tout ce qui est pas gentil, des choses qu'on ne devrait pas faire sur Internet cette semaine. J'ai très subtilement pris de l'eau. Reporters sans frontières a inauguré le 12 mars dernier la première journée pour la liberté sur Internet. L'organisme français qui défend la liberté de presse a du même coup publié sa liste annuelle de 15 pays considérés comme des ennemis d'Internet. Dans la nouvelle liste se trouvent, comme l'année dernière, l'Arabie Saoudite, le Bélarus, la Birmanie, la Chine, la Corée du Nord, Cuba, l'Égypte, l'Iran, l'Ouzbékistan, la Syrie, la Tunisie, le Turkménistan et le Vietnam. Mais Reporters sans frontières y a également ajouté deux nouveaux pays, l'Éthiopie et le Zimbabwe. Selon RSF, les 15 pays de son palmarès utilisent une panoplie d'outils de censure, dont l'arsenal législatif, la traque dans les cybercafés et le contrôle des fournisseurs d'accès à Internet. Selon RSF, 62 cyberdissidents seraient actuellement emprisonnés dans le monde. Et plus de 2600 sites Internet, blogs et forums de discussion auraient été bloqués en 2007. Reporters sans frontières a par ailleurs dénoncé la récente décision de l'UNESCO de retirer son patronage à cette première journée pour la liberté sur Internet. Selon l'organisme, l'UNESCO a cédé sous la pression de plusieurs États qui font partie de sa liste. Pour plus d'informations, allez-y. C'est un sujet extrêmement important. Allez voir le www.rsf pour Reporters sans frontières.org. Le numéro 1 mondial de semi-conducteurs est soupçonné, là on parle d'Intel, d'avoir accordé des rabais pour évincer un de ses concurrents, AMD. La Commission européenne soupçonne Intel d'abus de position dominante pour avoir accordé des rabais qui rendent pratiquement impossible à un concurrent de lui tenir tête. Depuis, la Commission accuse Intel d'avoir payé des fabricants pour qu'ils retardent ou annulent le financement de produits utilisant des semi-conducteurs d'AMD et de fournir ces produits à des clients stratégiques comme les gouvernements à des prix situés au-dessous des coûts de production. L'audience à huis clos n'aboutira sur aucune décision, mais sur un rapport qui permettra à la commissaire européenne à la concurrence de faire une meilleure évaluation de la situation. S'il est prouvé qu'Intel a tenté d'évincer AMD en utilisant des pratiques illicites, la commissaire européenne peut lui infliger une amende pouvant aller jusqu'à 10 % de son chiffre d'affaires annuel. Intel rejoindrait ainsi Microsoft, qui a été frappé le mois dernier d'une amende de 1,3 milliard de dollars pour avoir trop attendu afin de rendre ses logiciels plus ouverts à ses concurrents. Rappelons que l'Union européenne exige depuis plusieurs années que Microsoft soit plus transparente envers ses concurrents et leur transmette les informations techniques complètes sur ses logiciels afin que leurs produits puissent mieux interagir avec le système d'exploitation Windows et la suite bureautique Office. L'article vient de Reuters. Et finalement, d'après ses partisans à l'université Ryerson, les accusations de tricherie par Internet qui pèsent contre un étudiant de première année et pourrait signifier son renvoi de l'établissement devrait être retiré compte tenu d'un manque flagrant de preuves. Selon eux, l'université fait tout un Facebook autour du site Facebook. Cependant, l'étudiant en génie informatique Chris Avenir était confiant et optimiste à la suite d'une rencontre formelle à ce propos la semaine... C'est cette semaine, le 11 en fait, c'était le 11. Et j'ai tellement été voir la date que je me suis perdu dans mon article. Donc, à la suite d'une rencontre formelle à ce propos, le 11 mars, à l'université, celui-ci, accompagné de son avocat John Adair, a été applaudi par une foule d'étudiants en délire alors qu'il quittait l'édifice abritant la faculté de génie. Après sa discussion privée avec les autorités de l'établissement. Selon l'université, qui refuse de donner plus de détails, Chris Avenir se serait rendu coupable d'inconduite en échangeant des réponses alors qu'il était administrateur du cercle d'études en ligne Dungeons Mastering Chemistry Solutions, dont les activités ont depuis été interrompues. Si son inconduite est confirmée, l'étudiant pourrait être renvoyé de l'université. Une décision est attendue au cours des 5 prochains jours. Pour sa part, son avocat, qui n'a pas été autorisé à participer à la rencontre, a critiqué vertement l'établissement pour l'absence de preuves appuyant l'accusation. Par ailleurs, les représentants de l'université Ryerson n'ont offert aucun renseignement supplémentaire quant aux allégations concernant l'étudiant. En revanche, la petite amie de Chris estime qu'il est tout bonnement ridicule de penser que lui ou quiconque aurait pu utiliser Facebook pour échanger des réponses avec des camarades de classe. Elle indique que, comme il s'agit d'un forum public, la tricherie serait facilement mise en lumière. La jeune femme raconte que c'était seulement un forum créé pour permettre aux étudiants de s'entraider et de mieux comprendre le contenu de leur cours de chimie, un cercle d'études comme c'est courant partout. Voilà donc pour le bloc Cybercrime, les nouvelles, des choses qui se passent de croche, des choses qui sont supposément croche. Maintenant, voici le top des jeux les plus trichés sur GameFAQs.com. En troisième, on retrouve Lost Odyssey sur Xbox 360. En deuxième, c'est Army of Two sur Xbox 360. Et en première, c'est Super Smash Bros. Brawl sur la Nintendo Wii. Vous écoutez La Connexion, l'émission la plus rapide au monde, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Ici, à C'est Fou 89.1 FM, on va faire en même temps, tant qu'à être là, le top des jeux les plus vendus au Japon la semaine dernière, selon la firme Media Create. Commence par les consoles. Tiens, en troisième position, c'est la Nintendo DS avec presque 52 000 ventes. En deuxième, c'est la Nintendo Wii avec 64 500. Et la console la plus vendue, c'est la PSP avec presque 74 000 ventes. Côté jeux au Japon pour la semaine du 25 février au 2 mars, on retrouve en troisième position Wii Fit sur la Nintendo Wii. En deuxième, c'est aussi sur la Wii Super Smash Bros. Brawl. Et en première place, c'est Dynasty Warriors Gundam Special sur la PlayStation 2. Voilà, ça fait quand même 13 minutes que je parle. Je pense que c'est l'heure de terminer l'émission avec ce qui se passe dans le POW! Le POW, c'est un paquet de sites intéressants, de choses à aller voir sur Internet. Ça peut être des logiciels, ça peut être des jeux, c'est des choses que vous devez d'aller visiter sur le www.unechance.com, qui est le site de l'émission www.unechance.com. On commence par une vidéo sur break.com. C'est un niveau dans le jeu original de Mario, Mario Brothers, qui en fait, selon la personne qui l'a posté, se complète lui-même sans toucher la télécommande. Il y a des commentaires qui disent que ça ne peut pas être fait, que tout ça a été fait avec un émulateur, je sais pas. Faudrait aller voir, faites-vous votre propre idée. C'est Mario Level Can Autoplay sur unechance.com. Ensuite, une vidéo de Zelda animée en Lego. Donc, c'est des Lego en stop motion sur un vidéo de gamevideos.com. C'est fait par English 93 Studios. Vraiment très joli. Ça rappelle des souvenirs de Lego et ça rappelle des souvenirs de Zelda aussi. C'est toujours très bien. Ensuite, la semaine dernière, je vous ai montré une vidéo de gars qui s'est fait avoir par sa famille qui avait promis une Xbox 360. Ils leur ont donné la boîte, mais à l'intérieur, il y avait des chandails. Il faut vraiment aller voir les notes de l'émission de la semaine dernière sur lunechance.com pour voir comment le gars est déçu. Ça dure très longtemps, c'est émouvant. C'est très, très triste. Il y a même des gens qui ont fait campagne pour leur donner une Xbox 360. Cette semaine, quelque chose de plus gentil. Un petit peu de soleil dans votre vie. Si vous cherchez une façon de vous remonter, allez voir cette vidéo d'un garçon qui est vraiment content parce que lui a reçu le jeu vidéo qu'il cherchait, une Xbox 360 Elite et Legendary Edition de Halo 3. Allez voir ça sur lunechance.com. La vidéo s'appelle « Warning May Cause Cavities ». Une autre vidéo, c'est Star Wars selon un enfant de 3 ans. Je vais laisser aller voir ça tout seul. Ensuite, un très, très beau fond d'écran, c'est Mario tel que vu par Mario lui-même. La semaine passée, je vous avais fait voir une vidéo d'un mode de jeu vidéo qui vous laissait, en tout cas, attacher ce mode-là à votre jeu. Je crois que c'était Half-Life 2. Pour vivre Mario avec vos armes et tout, tirer sur des bébites. Dans ce cas-ci, c'est juste une image de quoi Mario aurait l'air si vous étiez vraiment Mario. Donc, en 3D, vers l'avant dans le tableau 1-1 avec des Goombas partout et des tuyaux. Très, très joli, allez voir ça. Un mod de la Nintendo Wii. Quelqu'un a peinturé sa Nintendo Wii pour mettre Mario et le tableau 1-1 directement sur sa Nintendo Wii. Le site de DS Fanboy qui vous montre un duo en train de jouer le rôle de Zelda, la princesse Zelda. Et je crois que c'est la princesse Zelda. Non, du tout. C'est Link et son ami. Enfin bon, allez voir ça. On en parlait un petit peu la semaine dernière. Ça, c'est une plus grande galerie de photos. Une campagne... Il va falloir se dépêcher pour ça. Une campagne pour la Virtual Console de la Nintendo Wii avec des photos prises dans la vraie vie et dessus rajouter des personnages de jeux vidéo en 2D. C'est très, très beau, allez voir ça. Et quelques peintures inspirées par des mémés sur Internet. Des mémés, c'est des mods sur Internet, des choses qui se distribuent. Donc, par exemple, le petit hamster qui fait un genre de drôle de regard sur YouTube. Le gars fait des peintures basées là-dessus. C'est très, très beau à voir. Et puis, je crois que ça fait pas mal de tours. Le reste va être, est déjà sur le www.unechance.com. Si ça vous intéresse, d'aller passer un bel après-midi. www.unechance.com, c'est aussi l'endroit pour aller télécharger la balado-diffusion en MP3 et pour en savoir plus sur tous les liens qu'on a mentionnés aujourd'hui. www.unechance.com. Moi, je vous retrouve au poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous, les vendredis à 10h et au Palmarès C'est Fou les vendredis soirs à 17h. J'ai adoré passer ces 2 heures avec vous. Ça passe comme toujours beaucoup trop vite. J'espère que vous êtes amusés. Je m'appelle Mathieu Plante. De la part de toute l'équipe fictive de La Connexion, faites attention aux genoux. Bonne journée et bonne chance. Dash dot com.